Exercice 3, page 55. A. On va voir Gilles. B. Les pulls sont là. C. Il a peint des nus. D. Tu la lis pour moi ?